fatigué. Et puis cuite après cuite, on est trop fatigué pour aller se coucher. On est trop fatigué. Ma vie, elle est un peu triste, même si on est un peu ivre. Ma vie, elle est un peu triste. Merci, merci. J'aimerais qu'on me dise, on est trop fatigué pour aller se coucher. On est trop fatigué. Et puis cuite après cuite, on est trop fatigué pour aller se coucher. On est trop fatigué. Triste, même si on est un peu ivre. Ma vie, elle est un peu triste, même si on est un peu ivre. J'aimerais qu'on me dise, on est trop fatigué pour aller se coucher. On est trop fatigué, un peu, beaucoup, et puis cuite. On est trop fatigué pour aller se coucher. On est trop fatigué, et puis cuite après cuite. Cuite après cuite, on est trop fatigué pour aller se coucher. Et puis cuite après cuite, et puis cuite après cuite. Et puis cuite après cuite, on est trop fatigué pour aller se coucher. Et puis cuite après cuite, on est trop fatigué. C'est vraiment, c'est fini l'album. J'ai mal. Fini ou pas? Là, j'aimerais bien me coucher. Là. Tu vois, je suis bien. Je suis bien là. Là, si on a fini, moi, j'aime. On est. Tu dors? Dors ou tu dors pas? Vas-y, fais pas ta pute. Tu dors ou tu dors pas? On a fini. Ferme ta gueule, putain.